Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bouvard et Pécuchet sont des personnages admirables. À la fin du 19e siècle, sous la plume de Gustave Flaubert, ces deux bonhommes sont avides de savoir. De l'agronomie à la géologie, ils s'adonnent de manière empirique à toutes les sciences. Évidemment, les voici qui s'amusent à devenir archéologues. L'émotion est intense quand ils découvrent un bloc de pierre gravé, un bassin. À coup sûr, il était utilisé pour recueillir le sang. Là, il touche du doigt les rites païens, le celticisme de Normandie et peut-être même des origines égyptiennes. Oui, Flaubert nous dit, c'est dans le département de l'Orne, s'écrit parfois Saïs, comme la ville du Delta. Les Gaulois juraient que le taureau, importation du bœuf Apis, le nom latin de Bellocaste, qui était celui des gens de Bayeux, vient de Bellicassa, demeure sanctuaire de Bélus. C'est sûr, Bélus et Osiris sont les mêmes divinités. Bouvard et Pécuchet en Normandie ont trouvé les origines égyptiennes. Mais quelle trouvaille! Le curé du village les corrige. Votre bloc de pierre n'est qu'un bénitier un peu vieux, bien sûr. Mais bon, pas tant que ça. Surtout, il n'est pas utilisé et il faut le rendre. Bouvard et Pécuchet sont très déçus. Mais avouons-le, nous aussi sommes fascinés par les trouvailles archéologiques. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, en préparation des élections municipales, culture et territoire, autrement dit, l'œuf ou la poule, est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? Ben, on le sait bien, c'est un peu des deux, mais dans une longue construction, fouilles archéologiques, musées municipaux, fêtes au village et scènes nationales, quel lien étroit entretiennent les territoires et la culture? Nous allons en parler toute la semaine des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast, et puis sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, ce moment magique de la découverte archéologique et de sa mise en valeur, ce qui est essentiel, avec vous, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, ancien président de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, l'INRAP. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris, hein, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, parmi le dernier, il y a « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps ». C'est aux éditions La Découverte, ou Trésor, les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie. Jean-Paul Demoule, il y a au moins une constante, c'est l'attrait que provoque la découverte archéologique. Oui, mais bien sûr, ça fait partie, archéologue, ça fait partie des métiers que beaucoup d'enfants veulent faire. Seuls quelques obsessionnels comme nous le font vraiment. Et Bouvard et Pécuchet, effectivement, c'est l'une des figures possibles. C'est soit l'archéologue ridicule, soit sinon le vieux savant, ou alors à l'autre bout et Indiana Jones, auquel mes collègues et moi-même nous identifions beaucoup plus facilement. Je pense. Bah, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Et c'est vrai que ces découvertes archéologiques font souvent la une des médias parce qu'elles touchent à l'émotion, elle touche à l'émotion de territoire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais à plusieurs échelles, c'est-à-dire il y a le territoire là où se trouve la découverte, et puis après même national. Oui, parce que ce qu'il y a derrière, c'est à la fois effectivement l'attrait de la découverte du mystère, mais aussi effectivement la présence dans le territoire, ce qui fait que en France, pendant longtemps, le vrai passé, c'était l'Orient, la Grèce et Rome. C'est ce qu'on trouve au musée du Louvre, hein, pour voir du passé du territoire français. Faut aller à Saint-Germain-en-Laye où très peu de gens malheureusement vont, mais en revanche, dès le 19e siècle, ce sont les notables locaux, les instituteurs, les curés, les notaires qui se sont intéressés et qui ont construit, qui ont permis de sauver le patrimoine. C'est seulement à partir des années 70 que l'archéologie du territoire français a commencé à se professionnaliser. Et c'est très bien que soit cité dès le début de cette émission le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, qui est un musée admirable, c'est sublime. Hein. Et le bâtiment lui-même, le château, vaut déjà le déplacement, mais alors voir les collections, c'est toujours magique. C'est pour ça qu'avec plusieurs de nos collègues, dont Yves Copin, Jean Guilaine, on plaide pour, puisque l'île de la Cité est peu à peu désertée, pour qu'on construise un grand musée au centre de la capitale qui fasse toute l'histoire de France, des origines jusqu'à nos jours, comme il y a à Berlin, comme il y a à Budapest, à Prague, et qui n'existe pas justement en France. Eh bien, il va falloir développer ça tout à l'heure, Jean-Paul Demoule, parce que c'est intéressant dans cette émission où l'on réfléchit à la relation entre le territoire et la culture, et globalement celle qui est sous nos pieds, c'est-à-dire les fouilles archéologiques. Vivien Barrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire archéologie dans une université qui portait le nom d'université de Cergy Pontoise, qui s'appelle comment maintenant ? Qui s'appelle désormais CY Cergy Paris Université. Voilà, et d'un seul coup, nous traversons les océans et nous nous trouvons dans une nouvelle culture. Et avec vous également, Yves Hubelmann, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes président et cofondateur d'Iconem. Vous nous rappelez ce qu'est Iconem, votre société ? Bon, Iconem, en fait, c'est une entreprise qui s'est engagée dans la préservation du patrimoine en danger en développant des approches technologiques qui permettent de conserver la mémoire, en fait, des sites les plus menacés aujourd'hui. Alors, dans beaucoup de pays en guerre, comme la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, mais aussi en France, en Italie et en Espagne. L'un et l'autre, Vivien Barrière et Yves Bellman, vous êtes associés à une exposition « Bâtir un empire, une exploration virtuelle des mondes romains ». C'est au Musée de la Romanité, à Nîmes, ça se tient jusqu'en mars 2020. Vivien Barrière, quel est l'esprit de cette exposition ? Alors le but de cette exposition, c'était de montrer différentes facettes de la romanisation, de la romanité. On était parti sur l'idée d'un voyage autour des rives de la Méditerranée, parce qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est le caractère uniforme, pour le dire vite, de ces paysages romains. On voit bien des temples romains à Nîmes, comme on en voit en Afrique, comme on en a dans le monde grec ou en Espagne. Mais en même temps, le but était aussi de montrer que derrière ce côté peut-être uniforme du paysage, en fait, on avait des variantes extrêmement multiples, même parfois des profondes différences, sans briser toutefois cette impression de cohérence qu'on observe en tout cas dans les villes du monde méditerranéen. C'est vrai que c'est très juste, l'Empire romain, un empire mais divers par ses religions, par ses cultures, par ses traditions, par ses peuples, a une cohérence grâce à sa culture. Nous allons creuser le sujet et pour commencer un clin d'œil à Simon Coincas. Oui, Simon Coincas qui est décédé il y a quelques jours et qui était, il y a maintenant quelques années, c'était le 12 septembre 1940, l'un des gamins, lui il avait 13 ans, qui, par hasard, ont découvert la grotte de Lascaux. Un détour par l'émission Chef-d'œuvre en péril. Chef-d'œuvre en péril, c'était en novembre 1989. Longtemps, la France a mésestimé ses richesses archéologiques, sans doute parce qu'elle était engagée auprès d'autres pays, comme la Grèce, l'Algérie, la Tunisie. L'une des plus fameuses découvertes faites dans le sol de France est restée longtemps méconnue. Elle fut réalisée, il est vrai, à une époque un peu particulière. C'est en effet le 12 septembre 1940 que quatre enfants, jouant près de Montignac en Dordogne avec un chien, découvrirent les salles peintes de Lascaux. L'un d'entre eux, Revida, devait nous faire de cette invention un compte-rendu fidèle. Nous avancions lentement en regardant à droite et à gauche. Tout à coup, en élevant la lampe contre les parois, nous avons aperçu, à sa lueur tremblante, plusieurs marques de différentes couleurs. Fascinés par ces lignes colorées, nous nous sommes mis à examiner soigneusement les murs, et à notre grande surprise, nous avons découvert plusieurs représentations d'animaux de tailles différentes. L'abbé Breuil, célèbre préhistorien, devait authentifier cette découverte. C'est lui qui révéla la valeur exceptionnelle de ces peintures, remontant à 17 000 ans en arrière, et réalisées par des artistes appartenant au paléolithique. Évocation du chef-d'œuvre à Lascaux dans l'émission Chef-d'œuvre en péril, c'était en novembre 1989. Jean-Paul Demoule, ces découvertes archéologiques marquent le territoire. Vous avez longtemps présidé, dirigé l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive. Quand il y a une découverte, donc on vous appelle à l'INRAP, en faisant un chantier, on a trouvé quelque chose. L'émotion est immédiate, ne serait-ce que par la curiosité qu'elle provoque. Oui, enfin, on a deux types de réactions. Le public est passionné certains élus locaux sont pas contents du tout parce que ça va retarder leur salle polyvalente ou leur surface commerciale et en plus ils vont devoir payer pour ces fouilles. Alors au début, au moment de la mise en place de l'INRAP en 2001-2002, ça a été parfois extrêmement tendu. Et puis petit à petit, l'avantage des hommes politiques, c'est qu'ils sont réalistes et quand ils voient que leurs électeurs, c'est là que ils vont se précipiter sur les chantiers portes ouvertes. Par exemple, on va parler tout à l'heure de Nîmes. Au début, le maire de Nîmes était très fâché des grandes fouilles du cours Jean Jaurès. C'était tout un quartier romain intact. Et puis, quand sont sortis les mosaïques et que ses électeurs lui ont dit « Mais vous allez en faire quoi de ces mosaïques ?» Ben, on a retrouvé la photo de la mosaïque sur la carte de vœux du maire et l'année d'après, il annonçait le fait qu'il y a un grand musée. Et j'ai souvent eu cette discussion où on me disait au début « Mais vous vous occupez des morts, moi je m'occupe des vivants. » Donc il fallait répondre très courtoisement « Bien sûr, monsieur le député maire, mais imaginez que vous ne soyez pas vivant indéfiniment, ben, vous êtes quand même en train de détruire le patrimoine archéologique de tous les futurs vivants. » Donc petit à petit, les choses se sont bien apaisées par rapport à ce que ça pouvait être il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a une vraie demande d'archéologie, y compris pour les gens qui, génétiquement, ne descendent pas en droite ligne des Gaulois. Notamment, en Seine-Saint-Denis, le service archéologique et la ville de Saint-Denis font un travail très intéressant de journée porte ouverte. Et là où il y a des dizaines de nationalités différentes et peu de descendants directs des Gaulois ou des Francs, eh bien, les gens se précipitent quand même parce que pour eux, c'est une manière d'appréhender le territoire où ils vont vivre désormais et pour longtemps et de comprendre là où ils sont et souvent peut-être hein, des descendants de paysans africains sont mieux à même de comprendre, par exemple, un site gaulois, des constructions mérovingiennes, plutôt que un descendant de parisien depuis deux ou trois générations. Jean-Paul Demoule, vous avez évoqué la découverte des mosaïques à Nîmes, qui a donné naissance au musée de la Romanité, un musée sublime d'ailleurs, et vous évoquez des fouilles archéologiques en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui ne donnent pas naissance systématiquement à un musée. C'est vrai qu'on ne va pas faire un musée à chaque fois qu'on trouve une villa gallo-romaine, sinon la France serait couverte de musées. Mais dans tous les cas, il y a ce lien de compréhension du territoire. Oui. Et cette relation-là, j'ai presque envie de dire, elle est charnelle, au-delà de ce qu'on nous a rendu longtemps, nos ancêtres les Gaulois, d'un lien génétique. Bien sûr, parce que cette idée de l'identité, de l'affiliation, etc., va être effectivement exploitée par certains idéologues et elle correspond pas du tout à la réalité puisque l'histoire de n'importe quel pays, c'est des brassages et des métissages permanents. Il y a jamais eu d'arrêt de l'immigration en France puisque après la période des grandes migrations du Moyen Âge, il y a eu les Vikings, les Juifs expulsés d'Espagne, les Morisques, les Tziganes dès le XIVe siècle, toutes les mercenaires des armées royales, c'est entre un tiers et un quart d'étrangers, etc. De même que sont partis les protestants après la révocation de l'édit de Nantes, ceux qui ont colonisé l'Amérique, puis le Second Empire colonial français. Donc on est sans arrêt dans la recomposition et la France même et l'assimilation plus ou moins forcée de communautés linguistiques, culturelles extrêmement différentes. Au XIXe siècle, quand les autorités, les institutions commencent à regarder l'archéologie qui est naissante, il y a une volonté de création d'un discours très particulier. Et cette origine-là de l'archéologie a longtemps marqué votre travail, celui d'archéologue. Oui, parce que les Gaulois étaient pas du tout nos ancêtres au XVIIe, XVIIIe siècle, parce que c'est des vaincus et on a que le récit romain sur eux. C'est des barbares, etc. Donc c'est quand se constitue l'idée de nation, qui est quand même très récente, ça a deux siècles à peine, c'est à la fois le romantisme et la Révolution française. Effectivement, il faut construire dans chaque pays des romans nationaux. Et les Gaulois, comment c'est une une histoire nationale par une défaite, c'est pas terrible. Surtout que les Romains après sont vaincus par les Francs et les Francs disparaissent culturellement puisqu'on parle langue romane et pas germanique. Donc c'est seulement avec la Troisième République qui commence par une défaite de Sedan finalement ça réactive un peu Alésia et que Vercingétorix devient aussi et souvent représenté sous des traits un peu christiques, il se sacrifie pour sauver son peuple, et c'est là qu'on va commencer à parler activement de nos ancêtres les Gaulois, et c'est là que Napoléon III, faute de pouvoir faire un musée national au centre de la capitale, va l'installer à Saint-Germain-en-Laye, mais toujours difficilement, Vichy essaiera de récupérer les Gaulois sur la même base, on est vaincu, mais grâce à une collaboration, de même que les Gaulois avec les Romains, ben nous avec les Allemands, on va créer une nouvelle civilisation. Donc c'est une histoire assez complexe et ça explique que l'archéologie préventive n'est vraiment commencée, c'est-à-dire qu'on est commencé à sauver de manière efficace le patrimoine que dans les années à partir des années 80-90, alors que la France avait fondé l'école française d'Athènes dès 1856. Et l'archéologie préventive est au plus proche du territoire. Oui. C'est en cela qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle se distingue des pratiques dans les autres pays d'ailleurs souvent. C'est-à-dire que l'archéologie préventive met avec son organisation la découverte au cœur du local. Et l'espace vécu d'un seul coup se transforme quand il y a une découverte. Et ça c'est une force, on va dire, est-ce que ça renforce l'identité d'un territoire quand il y a une découverte à ce moment-là? L'INRAP contribue à ça, à des identités locales? Oui, c'est à la fois l'INRAP et les collectivités territoriales, les villes ou les départements qui ont fondé des services archéologiques. Il y a à peu près 1000, on a 1000 de nos collègues qui travaillent dans ces services municipaux ou départementaux et qui créent justement en collaboration avec l'INRAP une archéologie de proximité. Et c'est particulièrement efficace presque toujours, les gens effectivement assistent aux fouilles et sont très nombreux à chaque fois qu'il y a des journées portes ouvertes, des conférences à la fin et on voit très bien, mais ça a été une des efficacités de l'INRAP justement depuis près de 20 ans qu'il existe, c'est que un institut national permet d'avoir une politique culturelle et rendre de l'archéologie, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant. Avec un dialogue constant entre le très local, le municipal, et puis on pourrait parler des niveaux différents de découpage du territoire jusqu'au national, et toujours au cœur de cette construction et de ce dialogue, il y a l'archéologue, faut pas l'oublier, l'archéologue c'est un homme qui vit un métier dangereux. Ou une femme. C'est ici que Forestal a été tué. Un de vos amis? Un concurrent, un grand archéologue. Et il était fort, très fort. Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Petit clin d'œil à Indiana Jones, Jean-Paul de Moule, qui est nécessaire dès qu'on parle d'archéologie. Voilà, juste pour évoquer ce dialogue entre le local et le national, nous allons aller au local, mais pas n'importe où, c'est à Bibracte, et nous allons entendre celui qui porte la voix de la nation, le président de la République, François Mitterrand. C'était en septembre 1985. Bibracte fait partie de notre passé, très bien. Elle n'est pas tout notre passé, c'est vrai. Les Gaulois font partie de nos ancêtres, c'est entendu. Nous en avons bien d'autres, nul n'en doute. Eh bien, voyons ce qui nous rapproche, connaissons ce qui nous différencie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cette réflexion qui me vient surtout à l'esprit au moment où j'érige avec vous Bibracte en tant que site national au lieu de l'histoire de France. C'est aussi une invitation à regarder cet horizon et bien au-delà. de ses limites. Croyez-moi, il n'y a pas de simplification réductrice de la cohérence profonde d'un pays comme le nôtre. Ce que nous devons chercher pour l'essentiel, ce sont les chemins de la cohésion nationale. Tel est le sens profond de la République elle-même. Tel est, du moins je le crois de toutes mes forces, telle est la vocation de la France. François Mitterrand, président de la République, en 1985, qui se trouve à Bibracte. Jean-Paul Demoule, vous nous rappelez l'importance de ce site de Bibracte ? C'était la capitale des Éduins. Les Éduins, c'était un peuple qui était considéré par le Sénat romain, mais mon collègue en parlerait mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un modeste préhistorien, mais comme frère du peuple romain. D'autres termes, on pourrait dire que c'était les collabos, puisque ils étaient du côté des Romains, mais finalement, au moment de la dernière révolte conduite par Vercingétorix, ils se sont ralliés à Vercingétorix. C'est déjà un site qui est très romanisé, entre guillemets, les maisons, etc. Il n'y avait pas une si grande différence entre la culture des premières villes gauloises et Rome à cette époque. Et on dit aussi que c'est là que César va rédiger la guerre des Gaules. Et après la victoire d'Alésia, et ensuite, eh bien, le président Mitterrand justement a choisi cet endroit, et il a contribué justement à l'essor de l'archéologie sur le territoire métropolitain. On a fondé un grand musée. Il y a des fouilles internationales qui se déroulent tout le temps, et il voulait même s'y faire enterrer, et puis il y a renoncé. Parce que, en tant qu'archéologue, j'ai beaucoup regretter, effectivement. C'est toujours cette volonté de creuser, Jean-Paul Demoule. Vivien Barrière, à propos de Bibracte, on a là un bon exemple de la fouille archéologique, alors avec une utilisation politique, je ne sais pas si elle est vraiment politique, mais en tout cas, une utilisation et surtout une mise en valeur. C'est-à-dire que Bibracte, avec ce qui a été mis en place comme investissement, comme argent, a transformé le territoire. Oui, effectivement, et c'est très intéressant cet exemple des Éduins, parce qu'on a la chance d'avoir deux villes éduennes. On a la ville d'époque proto-historique qui est sur le mont Beuvray, qui est Bibracte, et puis on a la ville qui se situe une vingtaine de kilomètres dans la plaine, c'est un plateau en réalité, à Autun, qui est, avec son nom romain, Augustodunum, et la ville où la population a été transférée ou s'est déplacée. Donc on a vraiment, et dans la même chronologie, deux villes, l'ancienne ville gauloise, la ville nouvelle, et c'est un cas très intéressant pour réfléchir sur le territoire, parce qu'on a deux habitats d'une même population, puisqu'en fait c'était les mêmes personnes, c'était ces pauvres Éduins, effectivement, qui ont été accusés d'être des collabos, parce qu'ils étaient très proches des Romains, et puis qui, au moment du retournement d'alliance avec Vercingétorix en 52, ils décident de passer du côté de leurs frères gaulois, au pire moment, puisque évidemment... Ça s'est mal terminé pour eux. Voilà, donc avec Bibracte, on a un cas de transformation du territoire, ne serait-ce que historiquement, par l'archéologie, d'un écho national de ce territoire. Nous avons entendu l'exemple de François Mitterrand. Et puis avec la construction d'un musée, un dynamisme en fait donné au territoire. Mais dans la recherche archéologique, il y a toujours cette question. C'est le titre de votre livre, Jean-Paul Demoule, « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps », avec toujours cette volonté de chercher les origines. Et vous le dites bien, c'est assez amusant, en fait, il n'y a jamais d'origine. Non, parce que il y a toujours quelque chose avant. Effectivement, si on dit c'est qui le premier Français, puisque le général de Gaulle disait la France vient du fond des âges, ben, les premières traces françaises, entre guillemets, c'est des Homo erectus dans le sud de la France il y a plus d'un million d'années. Donc il y a toujours quelque chose, et on parlait de brassage tout à l'heure, effectivement, ça a été... Homo sapiens arrive au paléolithique il y a 40 000 ans, mais après il y a les agriculteurs qui viennent du Proche-Orient il y a 8000 ans, puis l'Empire romain un peu plus tard. Donc c'est sans arrêt, effectivement. Donc on ne trouvera pas les origines, et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'origine. Oui. En revanche, l'archéologue est appelé pour donner des éléments sur la naissance de la France. Oui. Il y a quelque chose qui transcende même l'histoire oui. et les discours. Mais là aussi, il y a toute une réflexion à faire oui. sur la notion même de territoire. Oui, oui, bien sûr. Sur c'est quoi la France. Quand Nicolas Sarkozy avait voulu faire une maison de l'histoire de France, qui était, sur le principe était une excellente idée, ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure, l'idée d'un musée, mais de toute l'histoire de France. Mais il avait eu le malheur de le placer sous la co-tutelle de l'étrange ministère de l'identité nationale. Eh bien, on s'était demandé, les rapports de préfiguration s'étaient dit, ça commence quand la France? Et le conservateur qui avait fait de musée qui avait fait ce rapport disait, il y a la tradition plutôt républicaine, c'est Alésia, et la tradition plutôt catholique, c'est Clovis, le baptême de Clovis. Les 43 qu'ont fait la France, en oubliant quand Clovis se fait baptiser, puisqu'il arrive du Nord, la Gaule et tout l'Empire sont chrétiens, et c'est la seule religion tolérée, tous les autres ont été interdits depuis plus d'un siècle. Et en revanche, l'archéologie montre que les coutumes païennes, entre guillemets, vont continuer encore 2-3 siècles, notamment dans les coutumes funéraires. Donc c'est cette date du baptême de Clovis, théoriquement autour de 496, n'en est pas une, mais même Alésia n'en est pas une, puisqu'il n'y a pas une Gaule. La guerre des Gaules de César commence par... il y a trois régions qui diffèrent complètement par leur langue, leur coutume et leur loi. Eh bien, écoutez, justement, vu que nous parlons de César, de la guerre des Gaules, nous parlons de l'Empire romain, je vous propose de retrouver Joachim Dubellay. Oui, Dubellay, mais au XVIe siècle, le poète, un nouveau venu qui cherche Rome en Rome, Joachim Dubellay, qui récupère une jolie musique grâce à Perret le Gras. Perret le Gras qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Nouveau venu qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme celle qui mit le monde sous ses lois, pour dompter tout se dompta quelquefois, et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument, et Rome, Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul qui vers la mer s'enfuit reste de Rome. Ô mondaine inconstance, ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Qui cherche Rome en Rome, Dubellay, lu par André Falcon, avec la musique Henri Dutilleux dans le cours de l'histoire sur France Culture. Territoire et culture, l'œuf ou la poule, est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? Et nous le voyons depuis que nous discutons, c'est sans doute les deux. Il y a une utilisation de la culture pour justifier des territoires, et la culture naît sur des territoires. Et puisque nous parlons beaucoup de l'Empire romain, je me tourne vers vous, Yves Hubelmann. Vous travaillez sur les monuments venus de l'Antiquité, mais partout dans le bassin méditerranéen. Vous notez une harmonie culturelle où vous voyez nettement les spécificités. Autrement dit, c'est vrai que si nous voyons un temple romain, mais sorti de son contexte, nous avons du mal, moi personnellement, j'ai du mal à le localiser. Je peux être peut-être en Tunisie, peut-être en Syrie, ou peut-être en Italie. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est... Bon, il y a effectivement une forme d'unité assez globale et qui est surprenante, en fait, parce qu'on rentre toujours dans un pays par... sa culture contemporaine, en fait. Et quand on va arriver, je sais pas, en Libye, en Syrie, ou alors en Espagne ou en Arménie, en fait, on est dans des contextes socio-culturels complètement différents. Et finalement, pour l'archéologue, pour le visiteur, en fait, c'est extrêmement troublant de retrouver en fait les mêmes motifs décoratifs, en fait, à plusieurs milliers de kilomètres d'écart. Et effectivement, c'était aussi un petit peu l'idée de cette exposition. L'exposition, c'est Bâtir un empire, une exploration virtuelle des mondes romains, c'est au musée de la Romanité à Nîmes. Exactement, elle est venue, en fait, finalement, de cette impression d'unité, alors avec des variantes régionales, hein, bien sûr, mais une impression qui est complètement surprenante aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, quoi. On imagine effectivement finalement assez peu voir que cette mondialisation finalement était là il y a déjà 2000 ans d'une certaine manière. Une harmonisation en tout cas culturelle est nécessaire pour faire tenir un empire qui est aussi divers par toutes ses traditions, par ses peuples. La culture est un élément de cohésion, c'est-à-dire que c'est un élément qui aide à vivre ensemble. Exactement, et ce qui est intéressant, en vous entendant discuter juste avant, en fait, on s'aperçoit que des sociétés, des communautés qui aujourd'hui sont très différentes, ont une culture très différente, ont des références, un langage qui est une langue qui est différente, en fait, vont se sentir investis dans la protection de ce patrimoine romain. Et on a des exemples tout autour de la Méditerranée, y compris en contexte de crise. En fait, j'avais été surpris quand j'étais allé à Leptis Magna, donc c'est près de Tripoli, en Libye, hein, de voir finalement que le site archéologique romain, qui est un des plus grands sites du monde finalement romain, avait été complètement préservé, hein, par des milices locales. Il n'y avait aucun pillage, quasiment aucune destruction. Effectivement, les Libyens se sont sentis investis dans la protection de ce patrimoine, qui d'ailleurs avait été plutôt par Kadhafi, avait été plutôt identifié comme un art colonial, quoi, hein. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment cette réception contemporaine, effectivement, par les sociétés locales, finalement est souvent salvatrice. Et justement, en tant qu'archéologue historien, comment on arrive à se départir de cette prégnance d'une culture commune romaine pour essayer de retrouver ce qu'il y a de local, ce qu'il y a de particulier, Vivien Barrière? Comment ça se construit pour dire j'étudie ce temple-là vraiment dans son contexte, par exemple le contexte libyen ou un autre contexte? Mais c'est sûr qu'on a tendance dans un premier temps à être attiré par les points communs avec ce qu'on connaît déjà. Et le temple de Garni en Arménie, il va sauter aux yeux en disant tiens, ça ressemble vraiment très fort à la maison carrée à Nîmes. Alors que quand on va commencer à regarder un peu dans le détail, on s'aperçoit que il y a des choses qui sont très différentes. La maison carrée, elle a par exemple des chapiteaux corinthiens. Les chapiteaux corinthiens, c'est des chapiteaux qui sont habillés par des feuilles d'acanthe qui viennent s'enrouler sous le chapiteau. À Garni, on est plutôt dans le monde grec, on a des chapiteaux ioniques, des chapiteaux avec des volutes. Tout ça est très romain. Les deux temples sont romains, ils sont d'époque romaine en tout cas. Mais avec des traditions architecturales aussi qui sont différentes. Le plan de ces temples est différent. Le temple de Garni, il est entouré par une colonnade libre sur tous les côtés. On peut tourner autour du temple en restant dans la colonnade. Le temple de Nîmes, la maison carrée, on a l'impression qu'il est entouré de colonnes, mais en réalité, il n'y a que la façade où les colonnes sont dégagées. Donc en fait, quand on regarde vraiment dans le détail, il y a des signes extérieurs qui font romains et qui sont romains. Mais le poids des traditions architecturales antérieures est très fort. Et ça vaut pour le monde grec, parce que le monde grec, avec les monarchies hellénistiques, donc des successeurs d'Alexandre, avec toute cette tradition de sculpture de la pierre qu'on peut avoir en Asie mineure, il y a des traditions architecturales très fortes. Mais ça vaut aussi pour l'Occident, pour l'Espagne ou pour la Gaule, des territoires qui n'ont pas les mêmes traditions antérieures, hein, c'est la proto-histoire celtique. Mais on a, pendant longtemps, en fait, dans ces siècles qu'on appelle les siècles de romanisation, premier siècle de notre ère, même deuxième siècle de notre ère, un très fort héritage des populations qui sont là et qui font le territoire, même s'il y a un nouveau cadre romain par-dessus. Vivien Barrière, nous parlons de l'Empire romain et vous venez d'évoquer les Celtes. Et effectivement, on a un phénomène à peu près similaire avec les Celtes, où dans une relecture de ce que peut être cette civilisation, il y a une volonté d'harmonisation, alors que les différences peuvent être majeures. Ça, c'est aussi le travail de l'archéologue, c'est-à-dire au-delà de la découverte, c'est l'interprétation. Et cette interprétation-là aide à comprendre le territoire. Jean-Paul Demoule, vous êtes sans cesse confronté à ça, en fait, à vous battre contre les clichés pour essayer de revenir à la compréhension de l'objet découvert. Oui, parce que ce qu'on considère comme ayant été la civilisation celte, ça s'étendait jusqu'à Prague, jusqu'à la Bohême, ça comprenait le sud de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Donc c'était pas quelque chose d'unifié. On a très peu de traces linguistiques, quelques-unes. On a les toponymes, les noms de personnes. C'est seulement à partir du Moyen Âge qu'on a vraiment des textes un peu développés. Et la Gaule elle-même, on disait tout à l'heure qu'il y avait trois grandes régions culturelles, elle est découpée en une soixantaine de petits états émergents, indépendants, avec à chaque fois une capitale. Donc c'est effectivement très très très complexe, donc cette idée de Gaulois étant Gallie, le terme que donnaient les Romains, et Celtes, c'était le terme que donnaient les Grecs, Keltoi. Mais aller plus loin, enfin l'idée d'une communauté culturelle ressentie comme telle est effectivement une reconstruction. Et ça nous montre quand même que avec des communautés culturelles globales, il peut y avoir des peuples divers, oui. Ce qui ne pose absolument aucun problème, mais il faut réussir à donner l'image de ce vécu, le rendre concret, parce que c'est vrai que souvent la fouille archéologique, avant d'être passée par les mains d'un médiateur, c'est un tas de terre ou quelques cailloux entassés. Et parfois, à la radio, il est possible de recréer un univers. C'était le cas dans l'émission Histoire des gens sur la première chaîne de l'ORTF en novembre 1974. Bon, il est 8h30. Qu'est-ce qui se passait sur ce forum en l'an 79? La journée était déjà commencée depuis bien longtemps, parce que les Romains ne disposaient pas d'un système d'éclairage vraiment efficace. Alors on utilisait le jour au maximum. Tous les jours, en fait, les gens se trouvaient là de très très bon matin pour commencer les affaires. Les affaires ou la politique? Les deux. On discutait naturellement des petits événements de la ville, mais aussi, surtout, des affaires, des combinaisons, des achats, et qui prêterait l'argent à qui, et qui servirait de garant à qui, etc. Vous voyez. Et puis, alors, il y a aussi la vie municipale, puis les amis, les groupes qui se forment, etc. Le forum de Pompéi, vu dans l'émission Histoire des gens en 1974, Yves Bellman, ce travail que nous venons d'entendre radiophonique, c'est un peu ce que vous faites vous aussi comme travail avec Iconem. C'est juste une infime partie de votre travail, mais reconstituer le monument pour le rendre compréhensible. Oui, alors en fait, il y a plusieurs étapes de travail. Avant de reconstituer les choses, il faut les observer. Et les observer dans tous leurs détails, en fait. Donc c'est pour ça qu'on développe d'abord des approches de documentation à partir d'une imagerie assez nouvelle et sophistiquée, quoi. Grosso modo, on essaye de créer des copies en trois dimensions du réel, tel qu'il est visible sur le terrain. Et en fait, ces copies, c'est une forme de cartographie, quoi. Elles peuvent aider l'archéologue à étudier justement les structures visibles et à mieux les comprendre. Et après, on va dans une deuxième étape qui est une étape interprétative, c'est-à-dire à partir des observations qu'on peut faire sur le terrain, qu'on peut faire sur le modèle, l'archéologue va imaginer en fait les parties manquantes du site, et c'est là aussi on travaille avec justement les scientifiques pour restituer, donc grâce au modèle 3D, des éléments qui ont disparu, qui ne sont plus visibles. Et c'est effectivement ce qu'on avait fait sur Pompéi. D'abord, on avait fait un scan général de l'ensemble de la ville qu'on montre justement dans cette exposition. Et après, sur certains temples, sur certaines villas, en fait, en travaillant avec les équipes de recherche, on a pu donner à voir, effectivement, comment ces espaces étaient à l'époque romaine. L'exposition dont nous parlons, donc, c'est Bâtir un empire, une exploration virtuelle des mondes romains. C'est au musée de la Romanité à Nîmes, mais c'est pas la première exposition dans ce sens. Il y en a eu plusieurs récemment, à l'Institut du monde arabe, notamment. Ces expositions, pour utiliser un terme un peu galvaudé, ça marche bien, quoi. Ça attire les gens. Oui, alors, en fait, c'est un peu un nouveau type, une nouvelle forme d'expression. En fait, on utilise l'imagerie numérique pour recréer des espaces, des visites virtuelles. Alors, c'est quoi des visites virtuelles? En fait, on va projeter sur des très grands formats, en fait, des paysages. C'est ces paysages de cartographie, justement, qu'on a relevé sur le terrain. Et on va créer une déambulation virtuelle, immersive pour le visiteur, qui permet effectivement de se sentir finalement comme si on était dans ces lieux-là. L'image est complètement enveloppante. Et c'est intéressant parce que ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de visiter des lieux qui sont aujourd'hui inaccessibles. Alors, on pense aux zones de guerre, on pense effectivement aux zones qui avant étaient encore touristiques, par exemple comme la Syrie, qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus accessibles. Mais on pense aussi à une visite comme on a essayé de faire à Nîmes, justement successive de différents sites qui sont séparés de plusieurs milliers de kilomètres, et ce qui permet d'en apprécier, disons, à la fois les points communs et les différences, et qui permet tant, je pense, aux scientifiques qu'aux visiteurs, effectivement, de pouvoir avoir conscience de ces liens, en fait, qui relient tous ces sites. Donc, en fait, ces expositions, alors là, effectivement, on était avec l'équipe de l'Institut du monde arabe il y a 10 jours à Washington pour ouvrir, en fait, une itinérance de l'exposition au Smithsonian là-bas. Donc, effectivement, on a beaucoup de lieux aujourd'hui qui veulent accueillir ce type d'expérience parce que ça attire le public et ça permet de rentrer dans l'histoire par une nouvelle porte. Hein. Et là, récemment, bientôt, le 1er avril, on va ouvrir également une exposition avec la Fondation Bogossian à Bruxelles sur Alep. Donc, Alep, qui est aujourd'hui une ville, malheureusement, qu'on ne peut plus vraiment visiter, mais qu'on va pouvoir comprendre à travers, effectivement, ces grandes projections immersives. Voilà, donc dans ce travail, il y a un apport pour les chercheurs, les historiens, les historiennes et les archéologues. Il y a un apport au public, tout simplement. Cette médiation est nécessaire, Jean-Paul Demoule. Cette médiation, vous nous avez parlé d'un musée national d'archéologie, pour l'archéologie. Comment vous le construisez, ce musée-là? Vous avez publié une tribune dans Le Monde il y a quelques mois. Oui, c'est l'idée qui est totalement absente en France, d'avoir un musée d'archéologie et d'histoire qui commence aux premières traces humaines sur l'actuel territoire français jusqu'à nos jours. Comme je disais tout à l'heure, ça existe à Berlin, ça existe dans toutes les grandes capitales du monde et même des fois dans certaines régions. J'aime beaucoup le musée de l'Aquitaine à Bordeaux qui commence aux premières traces de préhistoire et qui va jusqu'à maintenant et qui fait pas l'impasse sur la traite négrière en particulier. Donc c'est cette idée d'un musée total qui couvrirait tout avec l'ensemble des informations disponibles pour les périodes anciennes que l'archéologie, et ensuite combiné entre l'archéologie et l'histoire. Et c'est ça qui fait défaut. Et quand on parle beaucoup de cohésion actuellement, on a le même problème avec l'Europe. Un des pères fondateurs aurait dit « si j'avais su, j'aurais commencé par la culture ». On a commencé par l'économie, on a imposé la concurrence libre et non faussée, donc le résultat, ça a été que il n'y a pas de sentiment européen. Maintenant, c'est chacun les problèmes des subventions, les ceci, les cela, les migrants, etc. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Pour avoir un sentiment d'appartenance, on a besoin de se sentir être une communauté. On a pour vivre ensemble dans le présent et dans le futur, il faut avoir l'idée d'un passé qui n'est pas forcément génétique au sens de l'ADN, mais qui est un passé du territoire. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure l'exemple de la Seine-Saint-Denis, où les gens descendent pas tous des Gaulois, mais ont ce sentiment grâce à l'archéologie. Et justement, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup, il y a un certain nombre de musées nouveaux, comme celui de Nîmes, il y a celui de Narbonne qui est en construction. Il y a le musée des Confluences à Lyon qui est assez récent également. Il y a une vraie demande de compréhension culturelle de la part de nos concitoyens. Donc il faut vraiment en tenir compte. Et ça, ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est particulièrement vrai aujourd'hui dans les pays qui sont les pays en crise, où il y a des problèmes entre les communautés. Et je prends l'exemple de l'Irak ou je prends l'exemple de la Syrie. Effectivement, on a des communautés chrétiennes qui vont s'identifier à un certain passé, des communautés chiites ou sunnites qui vont s'identifier à d'autres passés. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est particulièrement important de reconstruire aussi ces infrastructures culturelles pour effectivement montrer les connaissances qu'on a de ce passé, montrer qu'effectivement, le passé n'est pas si simple. Et justement, une meilleure connaissance en fait de la diversité en fait de ces cultures permet de reconstruire dans le futur un pays où les communautés sont dans une meilleure entente. Voilà, et il n'y a pas d'opposition entre ce passé et aujourd'hui quand il y a eu des changements. Au contraire, c'est un enrichissement. Et les uns les autres autour de cette table qui travaillaient, faites de la recherche, vous savez que le territoire est essentiel, que ce soit le plan d'un chantier de fouilles, que ce soit la carte. Il faut toujours des cartes quand on fait de l'histoire, et ça tombe bien. Aujourd'hui, Anaïs Kien va nous parler de cartes dans son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'histoire par les cartes. Depuis son dévoilement, le plan américain pour le Moyen-Orient rencontre de fortes oppositions, c'est peu dire. Le découpage territorial proposé validerait la souveraineté israélienne sur des territoires déjà occupés depuis la guerre des Six Jours en 1967. Des territoires appropriés, régulièrement désapprouvés par les Nations Unies, que Jared Kushner, soutenu par Donald Trump, propose d'attribuer officiellement à l'État d'Israël, et un plan qui satisfait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Washington s'engage à reconnaître les colonies établies en Cisjordanie, ainsi que son autorité sur la vallée du Jourdain. Trop de plans ont fait pression sur Israël pour qu'il évacue des territoires vitaux, comme la vallée du Jourdain. Mais vous, Monsieur le Président, vous avez reconnu qu'Israël doit avoir la souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur d'autres zones stratégiques de Judée et de Samarie. Si la proposition américaine veut fixer un découpage territorial jusqu'ici instable, elle laisse les territoires palestiniens à l'état d'îlot, un casse-tête permanent et quotidien qui condamnerait toute unité d'un espace physique palestinien. Représenter les frontières internes de la région, c'est la tâche impossible de Khalil Tafakji, qui publie son témoignage 31 degrés nord, 35 degrés est, coécrit avec la journaliste Stéphanie Maupas. Khalil Tafakji est géographe, ancien conseiller de Yasser Arafat, membre de la délégation palestinienne pendant les négociations de paix des années 90. Il raconte comment, d'abord seul employé de la Société d'études arabes, il a dû concevoir des cartes, outils indispensables du dialogue diplomatique lorsqu'il paraissait possible. C'est l'une des photos les plus connues au monde, pour ce qu'elle représente, un de ces moments de l'histoire qu'on ne peut oublier, que les livres garderont en mémoire. Le 13 septembre 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, ensemble, signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Khalil Tafakji commence dans les années 80 avec rien. Il est interdit de posséder une carte et retrouver les frontières de la Palestine historique relève du défi tant ses limites ont fluctué. Depuis la domination ottomane, le mandat britannique et les affrontements d'après-guerre avec le nouvel État israélien, comment revendiquer des frontières antérieures dont on ne connaît pas le tracé ? Le cartographe se procure tout ce qu'il peut à l'étranger et part sur place pour repérer les villages arabes présents ou disparus, les implantations israéliennes et en relever les contours en évolution constante. Un travail de terrain minutieux, en contact permanent avec les populations juives et musulmanes, une géographie physique et humaine qui suit aussi l'histoire géopolitique de la ligne verte, la ligne de démarcation fixée et contestée depuis les accords d'armistice de 1949. La ligne verte, c'est impossible de dire elle passe là ou là. On ne peut pas vraiment la montrer du doigt et dire ça, c'est la ligne verte. Le témoignage de Khalil Tafakji est amer. On suit son parcours, c'est l'autoportrait d'un jeune cartographe engagé pour un consensus nuancé en prise avec les réalités humaines du conflit israélo-palestinien jusqu'au basculement, au moment de l'impression de la première carte élaborée à partir de toutes les données minutieusement accumulées. Depuis, Khalil Tafakji s'est fait militant et ambassadeur de la dénonciation de la politique du fait accompli de l'État israélien. 31 degrés nord, 35 degrés est, ce sont les coordonnées géographiques de Jérusalem au lieu du conflit israélo-palestinien et c'est le titre de l'ouvrage de Khalil Tafakji et Stéphanie Maupas, une histoire de guerre par les cartes aux éditions La Découverte. 31 degrés nord, 35 degrés est. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. Culture et territoire, l'œuf ou la poule. L'exposition Bâtir un empire, une exposition virtuelle des mondes romains, donc au musée de la Romanité à Nîmes, est un bon exemple en fait de cette réflexion de territoire parce que la Romanité c'est absolument gigantesque. Ce musée nous parle à nous tous et puis nous pouvons descendre jusqu'au très local, c'est-à-dire à la ville de Nîmes. Le musée est situé face aux arènes. Il y a quelque chose de troublant, j'imagine, Vivien Barrière, de reconstruire virtuellement des monuments romains et de sortir du musée et d'être face au monument romain. Ah oui, ça c'est ce qui m'a tout de suite plu dans la proposition du musée de la Romanité. Et avec Iconem, je crois qu'on a eu du plaisir à justement avoir ce jeu entre à Nîmes, sur un musée qui est construit face aux arènes et qui est construit sur un tronçon du rempart antique. Donc il est à la fois dans la ville et à l'extérieur, ce musée, dans la ville romaine et à l'extérieur. Et Nîmes, ça permettait de faire des parallèles avec toute une série d'édifices, évidemment les amphithéâtres, évidemment les temples comme le temple de la Maison Carrée. On avait toute une série de portes d'entrée et on peut à la fois au musée de la Romanité visiter sept sites de l'Empire et puis sortir et en visiter un autre encore vivant. Voilà, donc le réel mélangé au virtuel, mais le virtuel s'appuie sur du bien réel parce que ce sont des bien études sûr. Historiques. Merci beaucoup Yves Bellman, Vivien Barrière, merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Je rappelle merci. Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Aurélie Lachecard, à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en balado-diffusion le podcast. Et demain, nous continuons à explorer les territoires et la culture en nous arrêtant au musée. Oui, est-ce que les musées exposent le territoire ?